La prochaine sortie, numéro 29, située à 1000 mètres, mène, entre autres, vers Auxerre. La voie sur ma droite est une voie réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire à des véhicules qui ne peuvent pas circuler à plus de 60 km/h. Cette voie va prendre fin et une voie de décélération me permettra de prendre la sortie pour Auxerre. Il n'est pas question que je serre à droite maintenant. Réponse B.